début du mois d'avril, l'ONU présentait au monde Oceanic City, un projet de ville flottante et autonome censé apporter des réponses aux défis que représente la montée des océans. Le constat est aujourd'hui clair. Si rien n'est fait pour ralentir le réchauffement climatique et la fonte des glaces, d'ici 2100, plus de la moitié de la population mondiale sera menacée par la montée des eaux et les habitants des littoraux deviendront des réfugiés climatiques. Dans ce contexte prédictif alarmiste, quelles solutions d'aménagement envisage-t-on aujourd'hui pour les littoraux exposés à la montée des eaux et quelles infrastructures pourrait-on développer pour éviter aux habitants des littoraux le grand exode ? Montée des océans, les littoraux en danger, c'est le problème houleux qui nous occupera tout au long de cette heure. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler des défis majeurs que représente la future montée des eaux pour les littoraux et ceux qui les habitent, nous recevons aujourd'hui Servan Guébin-Vénière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe et post-doctorante au laboratoire technique, territoire et société de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. À vos côtés, Antoine Aubinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, cofondateur de Bellastock. Nous sommes également en duplex depuis les locaux de France Bleu Nice avec Magali Regezazit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe et maître de conférences à l'École normale supérieure. Notre émission aujourd'hui se fait en partenariat avec le magazine Science et Avenir. Anne-Sophie Tassard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la représentante de Science et Avenir. Vous nous accompagnerez tout au long de cette heure et on évoquera tout à l'heure l'article que vous avez consacré aux îles artificielles dans le numéro d'avril. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous écouter comme tous les jours sur la radio, mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast. Et pour consulter les articles, livres, podcasts qui nous ont aidés à préparer l'émission, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter, @laméthodefc. Alors, on va se plonger dans le grand bain finalement de notre sujet. Avant de parler des projets d'aménagement, des littoraux et des perspectives climatiques, j'aimerais tout d'abord qu'on fasse un état des lieux du peuplement des littoraux dans le monde et faire en premier lieu un travail de définition. Servan Guébin-Vénière, avant toute chose, comment est-ce qu'on définit un littoral et jusqu'à quelle distance de la mer on part de littoral ? Je crois que le littoral est quelque chose de très difficile à définir puisque il y a énormément de formes de littoraux différentes d'une part et par ailleurs les définitions tant légales que enfin les juristes ou les économistes ou les géographes qui essayent de définir les littoraux et bien on voit que les définitions changent d'un pays à l'autre. Peut-être que le point commun qu'on peut retenir de tout ça, alors je parle en tant que géographe, c'est de considérer que le littoral c'est un système qui est dynamique et donc présente des formes d'érosion et des formes d'accumulation sédimentaire en perpétuel mouvement avec différents pas de temps à l'échelle d'une marée, à l'échelle d'une saison et puis à l'échelle pluriannuelle et à l'échelle du siècle aussi avec les questions d'élévation du niveau marin. Magali Regezazit, est-ce qu'on a une estimation même globale, grossière, même enfin en tout cas générale de la population mondiale qui vit actuellement dans une zone littorale? Alors c'est extrêmement compliqué parce que comme le dit Servan, en fait on a un vrai problème de définition et selon en fait les calculs, on prend 10 km, 50 km, 100 km de la mer. Donc évidemment ça change un petit peu les chiffres, mais grosso modo on considère aujourd'hui qu'on a à peu près 40% de la population mondiale qui vit à moins de 60 km d'un rivage. Ce qui représente quand même beaucoup de monde, avec alors des variations hein, selon les pays, et puis selon aussi les types de littoraux. C'est évidemment pas la même chose si vous habitez sur une île, sur une côte basse, ou bien sur une côte à falaise, par exemple. Et donc là aussi, le rapport à la mer n'est pas du tout le même, et va évidemment conditionner le rapport à l'élévation du niveau marin consécutif au changement climatique. Servan Guébin-Vénière, à ces chiffres importants de population vivant sur les littoraux, il faut ajouter une autre notion, encore, on va compliquer encore notre affaire. Les zones littorales, elles sont souvent très densément peuplées. Alors comment est-ce qu'on explique ça? C'est des zones de peuplement, d'échange, de lieux où il y avait historiquement parlant énormément de nourriture, de ports, d'échange. Donc aux Pays-Bas par exemple, toute la côte est extrêmement peuplée par rapport au reste du pays et ça a été le cas même historiquement où la Frise qui était à cheval sur les Pays-Bas et l'Allemagne était aussi très peuplée. Voilà. Magali Regezazit, sur cette notion de densité de peuplement des littoraux. Alors oui, cette densité, elle va énormément varier, effectivement, d'abord en fonction de l'histoire des peuplements. Vous avez des sociétés qui sont des sociétés qui ont vécu avec et par la mer, des sociétés de marins, par exemple, qui ont beaucoup utilisé la pêche, aussi la mer comme façade stratégique pour aller conquérir d'autres terres. Vous avez aussi d'autres sociétés où il y a un peuplement littoral, mais où ce peuplement littoral n'a pas conduit à un rapport avec la mer intense. Ce sont en fait des sociétés littorales terriennes. Et puis vous avez des littoraux qui ont été peuplés de façon relativement récente. Par exemple, c'est le phénomène de l'héliotropisme qui conduit à rechercher le soleil. C'est aussi évidemment le développement du tourisme à partir du 19e siècle. Et puis dans beaucoup de lieux, en fait, c'est le développement de villes qui vont se construire sur les littoraux, parce que les littoraux offrent une interface particulièrement intéressante avec l'océan, qui dans la mondialisation est une surface d'échange absolument formidable pour le commerce. On peut prendre l'exemple de Singapour, par exemple, qui a vu sa population être démultipliée. Au début, c'est une bourgade, il y a très peu de gens, et puis on arrive à très vite plusieurs millions d'habitants. Et donc évidemment, là aussi, pour développer ces littoraux, les hommes vont construire des aménagements exactement comme Servan l'a décrit pour les Pays-Bas, avec notamment ce qu'on appelle des poldérisations, avec des remblaiements qui vont permettre aussi de gagner des terres sur la mer et donc de pouvoir conquérir aussi ces rivages, les mettre en valeur et les exploiter. Alors quand on habite le rivage, qui dit habitat dit construction, dit maison, dit logement. Antoine Aubinet, vous êtes architecte. Oui. Comment on conçoit ça? Et finalement, est-ce qu'il y a des grands types de construction, de bâtis sur les littoraux? Ben oui, quand on a travaillé sur un projet en 2014 on a essayé de catégoriser un petit peu les projets pour pouvoir s'inspirer et puis donner des références de construction flottante aux étudiants en architecture et en design. Et on s'est rendu compte qu'il y avait deux grandes familles qui se dégageaient. La première, c'était des constructions flottantes faites avec des éléments détournés, faites un peu avec peu de moyens. Et donc on retrouvait ça du côté de l'Indonésie, du Vietnam, des villages aussi de pêcheurs en Chine à Fujian où finalement avec presque rien, des contenants qui contenaient de l'air, on voit des constructions apparaître et des gens qui vivent sur l'eau. Et puis on a l'autre famille où la technologie est peut-être un petit peu plus développée et où là on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des constructions un petit peu plus complexes où on avait des caissons de béton qui permettaient de contenir l'air et puis des structures plus légères posées dessus et ça permettait de faire des projets où là on a notamment un projet aux Pays-Bas de 60 logements qui est en train de voir le jour. Et donc on avait un peu ces deux grandes familles de construction et surtout de moyens en fait. On reviendra justement sur ces notions-là de futur de l'architecture en lien avec les littoraux. Servane Guébin-Vénière, concernant les littoraux, quand on vit près de la mer, on s'expose à un élément qui est quand même assez contraignant. Alors quelles sont les principales menaces, contraintes qui pèsent sur les habitants des littoraux ? Il y a principalement le risque de submersion marine, mais qui est parfois, très souvent lié au risque d'érosion. D'ailleurs, ça pose parfois des problèmes puisqu'il y a une distinction dans les budgets, notamment qui sont alloués au risque d'érosion et au risque de submersion marine, où les budgets sont différents alors que les phénomènes sont interreliés. En fait, peut-être qu'on peut, Magali Regueza parlait tout à l'heure des populations de marins, etc. Et je crois que la population néerlandaise est vraiment emblématique de cette position-là. Et on voit bien une évolution pour arrêter de voir l'océan, la mer, en l'occurrence, là, comme un ennemi. Et donc, il y a eu vraiment plusieurs étapes, mais c'est uniquement très récemment, à l'échelle de... C'est-à-dire que depuis 2000 ans avant notre ère, à peu près jusqu'au 9e siècle, il y avait, après notre ère, il y avait des terpènes, donc des monticules de terre et des villages terpènes, c'est-à-dire des monticules de terre qui accueillaient non plus seulement une maison, mais plusieurs maisons. Donc l'idée, c'était vraiment de prendre de la hauteur pour survivre. Il y avait cette notion de survie face à la mer à l'océan, et plus largement à l'océan qui était très importante. Il y avait, dans la littérature, on retrouve notamment la peur du water wolf, le loup marin, qui était vraiment un personnage qui pouvait terroriser la population et qui se transmettait de génération en génération. Ensuite, il y a eu, à partir du 9e siècle, vraiment une volonté de lutter ensemble de façon collective. Donc, il y a une organisation des Waterschappen, des maisons de la gestion de l'eau très ancienne aux Pays-Bas, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc, c'était de travailler ensemble pour lutter pour survivre. Mais il y avait toujours cette notion de survie. Et ça a été poussé à l'extrême après la célèbre, tristement célèbre tempête de 1953 qui a fait plus de 1800 morts, notamment dans le sud des Pays-Bas, en Zélande. Et donc là, c'est les ingénieurs, par exemple, du génie civil employaient des termes de relatifs à la guerre pour exprimer cette lutte, en envisageant la mer exactement comme un ennemi à combattre. Il y a cette devise d'ailleurs zélandaise, look et émergo, donc se battre pour survivre. Et à partir de 1953, donc 2 ans plus tard, a été dressé le célèbre plan Delta, où là, l'idée, c'était vraiment de repousser la mer toujours plus loin. Donc il y avait une vision, il n'y avait pas de vision du littoral qui était une entité qui accueillait à la fois une partie terrestre et une partie marine, mais il y avait cette volonté de repousser la mer au plus loin, qui a posé très rapidement des problèmes, puisque quand on ferme des bras d'estuaires qui sont des zones particulièrement dynamiques et extrêmement utiles à la fois pour la biodiversité mais aussi pour la pêche, etc. Enfin, c'est tout un système très fragile et en même temps très riche. Rapidement, c'est-à-dire vers 1973, on a vu que, enfin, les Néerlandais ont vu que c'était pas possible de continuer à se barricader et à construire des digues comme ça pour s'isoler de la mer. Et donc le plan Delta, le deuxième de 2008, c'est son titre, c'était Living with Water. Alors on y reviendra justement à ce plan-là. Sophie Tassard, je crois que vous aviez une question. Oui, Servan, c'est le climatologue néerlandais justement, Cuypers Munneke, avec qui j'ai pu discuter, me parlait justement de cette évolution aux Pays-Bas, donc construction des digues, construction des barrages, et il m'indiquait que de toute façon, les Pays-Bas finiront sous l'eau. Alors peut-être dans 200 ans, peut-être dans plusieurs milliers d'années, on ne sait pas encore, mais est-ce que justement les Pays-Bas ne font pas actuellement marche arrière? Voilà, est-ce qu'ils retournent pas, tentent pas de retourner dans les terres plutôt que de tenter de grappiller encore et encore de la terre sur la mer? Alors, je pense qu'il y a deux choses bien distinctes, c'est-à-dire il y a une possibilité éventuellement d'effectuer des dépoldérisations, c'est-à-dire d'ouvrir des polders qui ont été conquis sur le Shore et la Slick, donc l'estran bas. Mais ça, c'est uniquement valable sur les fleuves, notamment l'Escaut, puisqu'il y a une loi qui date de 1990 et qui a dit, pour ce qui concerne le trait de côte, donc vraiment le littoral, voilà, à partir de 1990, on ne reculera plus jamais, quoi qu'il advienne. Ce trait de côte ne reculera plus jamais de la limite qu'il avait en 1990, puisque c'est une côte principalement dunaire qui a connu une érosion extrêmement forte. Donc, l'idée, déjà, c'est inscrit dans la loi, donc c'est extrêmement difficile. Enfin, faudrait aller contre la loi pour reculer. Et puis, encore une fois, cette tempête de 1953 est très présente dans la mémoire collective, donc c'est pas tellement la façon dont les choses sont envisagées aujourd'hui, mais je pense qu'il y a plutôt des projets de comment habiter autrement avec la mer, en fait. Donc pas sous l'eau, mais peut-être sur l'eau. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À 16h14, vous écoutez La Méthode Scientifique. Nous consacrons toute notre émission aux littoraux avec nos invités Servan Guévan-Vénière, Magali Regueza-Zit, Antoine Aubinet, et avec notre partenaire Science et Avenir, représenté aujourd'hui par Anne-Sophie Tassard. Alors, on va sortir un petit peu des Pays-Bas. Je suis désolé, c'est votre sujet de prédilection, mais on va élargir un petit peu le sujet. Magali Regueza-Zit, je voudrais savoir un petit peu si on reprend cette notion de menace. Alors, on évoquera la notion de dompter la mer, en faire une alliée, finalement s'y adapter. Si on prend un petit peu toute cette notion de menace, à quelles principales menaces aujourd'hui sont confrontées les personnes qui vivent sur les littoraux à travers le monde, pas seulement aux Pays-Bas? Alors, il faut d'abord dire que ces menaces, elles sont pas nouvelles, mais que la tendance au réchauffement climatique fait qu'elles s'accélèrent de façon très importante, et c'est sans doute ce rythme qui pose problème. Alors, dans les menaces, on a d'abord des événements très ponctuels qu'on appelle des risques hydroclimatiques qui sont liés aux tempêtes, dans la zone intertropicale aux cyclones, avec effectivement ce risque de submersion marine, puisque lorsque vous avez des tempêtes ou des cyclones, vous allez avoir, du fait des vents, du fait de la dépression, et puis parfois combiné aussi avec les marées, des mouvements en fait de vagues qui vont arriver, et donc de houles d'abord cycloniques, et puis ensuite de surcôtes marines, qui peuvent être extrêmement dangereuses pour les côtes basses, même quand elles sont protégées par des digues. Les Français, par exemple, se rappellent encore de la tempête Xynthia en 2010, qui avait causé plus de 40 morts, avec donc des ruptures de digues majeures. Donc on a ce premier phénomène. On a aussi, avec la montée du niveau marin, l'élévation probable du niveau marin, qui pourrait atteindre des niveaux assez importants, effectivement des risques de recul d'un certain nombre de littoraux, qui peuvent se poser problème aussi parce que, je prends juste un exemple, le cas du Nil, on pense que 60 cm d'élévation du niveau de la mer, c'est plusieurs millions de personnes qui vont devoir être déplacées. Mmh. Et puis vous avez d'autres types de risques qui sont liés là encore au changement climatique, qui sont d'abord la question de l'acidification des océans, qui vont perturber évidemment tous les écosystèmes. Or, beaucoup de sociétés vivent de ces écosystèmes, qu'il s'agisse de la pêche, qu'il s'agisse des coraux, par exemple. Donc on a ces risques-là. Et puis il ne faut pas oublier que les littoraux, ce sont des espaces à l'interface entre mer, terre et atmosphère, et qu'en particulier sur les littoraux, vous avez aussi toute la question des eaux douces. Quand on regarde, par exemple, le problème des marées, des côtes basses, vous avez cette évacuation de l'eau qui est problématique, et avec une aggravation ou une augmentation des inondations, cette fois-ci fluviales, on risque aussi d'avoir des grosses difficultés par rapport à ces littoraux. Donc, en fait, on voit qu'on a vraiment une augmentation, en tout cas, des risques qui existent, qui sont présents, sont présents depuis que la Terre existe. Hein, on n'est pas dans quelque chose de nouveau, mais qui risquent d'être accélérés ou transformés à la fois par le réchauffement climatique global, mais aussi par la transformation des peuplements littoraux, avec une augmentation de la vulnérabilité des habitants. Cette accélération, on en a des preuves pas plus loin que, par exemple, en France, dans l'estuaire de la Gironde, par exemple, à Soulac-sur-Mer. Alors, il y a un immeuble qui a été construit, qui s'appelle le Signal, qui a été construit en 1967 à plus de 200 mètres de la mer. Les appartements ont dû être évacués en 2014, puisque l'immeuble, maintenant, n'est plus qu'à une douzaine de mètres de l'Atlantique. Alors, Antoine Daubinet, quand on est architecte et qu'on voit ce type d'évolution, est-ce qu'on se dit qu'aujourd'hui, un projet type comme le Signal pourrait se reproduire, ou bien est-ce qu'il y a quand même des normes qui ont évolué depuis. Est-ce qu'on a fait évoluer les normes politiques et les normes en tout cas d'aménagement du littoral pour évoluer pour éviter ce genre de situation un peu catastrophique? J'imagine que on travaille justement pour pouvoir limiter ce genre de situation. Mais aujourd'hui, comme on l'évoquait auparavant, l'idée c'est de ne plus prendre l'élément comme une contrainte, mais bien d'en faire une opportunité de projet et d'espérer que les nouvelles formes architecturales seront accueillies et être résilient vis-à-vis de phénomènes comme la montée des eaux. Donc des règles de construction qui peuvent changer, mais surtout une typologie architecturale qui doit évoluer et mieux s'adapter à ce phénomène. Pour continuer l'émission, je vous propose de faire un petit retour en arrière et d'écouter le journaliste Philippe Diollet dans les Actualités de Midi en 1959. La température moyenne du pôle sud s'est élevée de 5 degrés en 50 ans. Le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement. Sans doute ce réchauffement, et c'est ce qu'on explique beaucoup, peut-être pour faire un peu peur au public, ce réchauffement peut provoquer par la fusion des glaces une montée des océans, du niveau des océans. L'histoire de la Terre a connu déjà bien des régressions et des transgressions marines. Il n'y a pas lieu d'épouvanter les populations côtières en leur disant de se retirer parce que l'océan va monter. Alors il n'y a pas lieu de s'épouvanter, Servane Guébin-Venir, mais bon, il y a quand même une évolution dans la considération de cette évolution depuis 1959. Que vous évoque cette archive-là ? Je pense que c'est ce que disait Magali, c'est-à-dire c'est une accélération qui est plus préoccupante et aussi du fait de la densité des populations, la densité des activités et des besoins, et donc une préoccupation pour une gestion dite intégrée des littoraux, c'est-à-dire intégrée dans l'espace qui combine plusieurs activités, plusieurs usages et aussi qui respecte la biodiversité ou ses usages écosystémiques, ses services écosystémiques. Et voilà. Magali Regezazi, une réaction à cette archive ? Oui, alors c'est typique en fait de ce qui a nourri pendant des années le climato-scepticisme. Effectivement, à l'échelle de la planète, on a des régressions et des transgressions marines qui sont très importantes. Il fut un temps où on pouvait aller au Royaume-Uni à pied, parce que la Manche, enfin le passage était à pied sec. Simplement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'accélération de ce rythme, sachant que les sociétés pourront toujours s'adapter. La question, c'est le coût de cette adaptation. Et qui paiera les coûts ? Quand vous regardez l'ensemble des littoraux du monde, on voit que les sociétés se sont adaptées dans le temps. Ce sont des adaptations multiséculaires qui sont faites d'ajustements et de réajustements et d'un travail patient de transformation des milieux pour habiter ces milieux, prendre en compte les risques et exploiter les ressources. Le problème aujourd'hui, c'est que ça va tellement vite et les coûts de l'adaptation seront tellement importants que la question va se poser en termes politiques et en termes de justice environnementale. Il est évident que tous les pays et toutes les sociétés ne pourront pas avoir accès au même niveau technologique pour se protéger le cas échéant et pour inventer des modes d'habitat qui permettent de protéger les vies humaines et les activités. Et donc l'enjeu, il est là. Il est de faire face à cette accélération du rythme de l'élévation du niveau des mers qui en plus va varier considérablement en fonction de la forme des rivages. Là aussi, les processus dont parlait Servan Geben sur, d'un côté, le recul de certains littoraux de l'eau de l'avancée, les comblements, les envasements, les ensablements sont des processus naturels. Mais ils vont être accélérés, transformés, de sorte que finalement les sociétés vont devoir y répondre très vite, alors qu'elles ne sont pas forcément préparées. Donc il ne s'agit pas de faire du catastrophisme, mais bien de dire à un moment qui va payer les coûts du changement climatique et comment vont se répartir ces coûts. Et pour l'instant, on voit très bien, ce sont les populations des pays les plus vulnérables, les plus démunis. Je pense au Bangladesh, je pense par exemple aux petites îles de certains océans. Je pense à des populations démunies. On voit par exemple après l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, alors même qu'on n'est même pas sûr que le changement climatique est en lien, on voit déjà que ce sont les populations les plus pauvres qui ont été frappées. À l'avenir, ces phénomènes, s'ils se reproduisent, vont frapper à nouveau des populations pauvres et démunies. Et c'est cette question-là qui doit être préoccupante. Vous évoquez l'accélération de ce phénomène-là. Alors, on va donner quelques chiffres. Les simulations du GIEC de 2013 estiment qu'entre 40 cm et 75 cm de hausse du niveau des océans d'ici 2100, si on rajoute à ça la fonte future des calottes polaires, on atteindrait plus d'un mètre d'élévation. Alors, ça pourrait être catastrophique. Anne-Sophie Tassard, je crois que vous aviez une question. Oui, je voulais réagir à la question des coûts évoqués par Magali. Dans un article paru dans le magazine Science et Avenir, ma collègue Rachel Mulot avait notamment parlé de la Basse-Normandie et elle avait indiqué que 11 000 bâtiments se trouvaient en dessous du niveau des mers et pour un peu que les gens se rendent compte du coût d'un tel déplacement des bâtiments, des infrastructures, ça coûterait 15 milliards d'euros pour faire rentrer tous ces bâtiments voilà, dans les terres. Donc c'est quelque chose que les régions ne peuvent pas supporter. Servan Geben, vous évoquiez tout à l'heure un type d'aménagement, les polders, mais ce n'est pas le seul type d'aménagement qu'on a pensé sur les littoraux pour se prémunir des effets néfastes de la marée, des océans. Alors quel grand type finalement d'aménagement on connaît aujourd'hui pour se prémunir et pour se protéger de la mer ? Oui, on peut dire, donc toujours dans cette région du nord-ouest de l'Europe, il y a deux grandes tendances, par exemple, qui peuvent s'illustrer avec cette gestion côté mer aux Pays-Bas, avec par exemple le projet ZenMotor en Hollande du Sud, qui qui est parti en fait d'une réflexion sur la dynamique du littoral et sur la dynamique de la dérive littorale, et de se dire au lieu de lutter contre cette dynamique naturelle, eh bien on va l'utiliser pour mener à bien un projet de protection. Donc en fait, au lieu de faire des rechargements ponctuels de sable et annuels, c'est un énorme rechargement de 21 millions de mètres cubes de sable qui a été fait en une seule fois. Enfin, ça a pris quand même 3-4 mois, mais qui a été fait en une seule fois. Alors le dessin de cette masse de sable a été extrêmement discuté de façon interdisciplinaire pour justement répondre aussi à des enjeux par rapport à la biodiversité ou à l'environnement. Et l'idée était que la dérive littorale étale en fait ce sable et protège toute une partie de la côte pendant une vingtaine d'années sur 10-15 kilomètres. Donc on voit que là, c'est d'utiliser finalement ce sable qui est aussi à portée de demain. Hein, la mer du Nord est vraiment très peu profonde, qui est en train d'avoir du succès et qui est en train d'être étudié et mis en œuvre de façon sérieuse aux Pays-Bas. Et en Angleterre, bon, les choses sont tout à fait différentes. Il y a 10 fois plus de linéaires de côtes. Il y a beaucoup moins de budget consacré aussi à la gestion du littoral. Et donc là où c'est possible, il y a des gros projets de dépoldérisation, mais ça date depuis le début des années 90, voire la fin des années 80. Il y avait ces projets-là qui consistent en fait à rouvrir en fait les digues de première ligne qui sont directement face à la mer, mais de façon maîtrisée pour mieux maîtriser les entrées d'eau, etc. Et éventuellement à construire une seconde ligne de digue en arrière, mais qui serait beaucoup moins haute, puisqu'en fait toute la végétation donc qui est sur le shore, cette partie-là de haute de l'estran, du littoral, en fait atténue la force des vagues quand elles arrivent, et donc finalement les digues de second rang n'ont pas besoin d'être aussi élevées. Donc ça peut être parfois, c'est pas toujours le cas, mais ça peut être une économie en termes de coûts, et puis aussi des avantages bénéfiques, des avantages paysagers et liés à un tourisme, une autre forme de tourisme vert qui peut se développer. Donc c'est les deux grandes tendances qu'on peut avoir par rapport à ça. Antoine Aubinet. J'ai une question. Est-ce que c'est une solution pour du court terme ou est-ce que... La dépoldérisation ? Ouais. Non, là, c'est plutôt pour du long terme, c'est-à-dire les projets qui ont été dépoldérisés depuis les années 90 le sont toujours. Et donc, c'est vraiment envisagé sur le long terme. Et il y a aussi une réflexion qui se fait, notamment sur la combinaison d'habitat avec les digues. Ça, c'est encore une autre question, mais qui est vraiment d'actualité où... les ingénieurs préfèrent garder cet ouvrage souvent maçonné ou enherbé uniquement dédié à la protection et ne pas mélanger les combinaisons d'usage. Mais je pense que ça peut ouvrir un débat intéressant avec les architectes notamment. Magali Reguezazit, on parlait à l'instant de digues, c'est une conception, un type d'infrastructure qui n'est pas toujours, efficace ou en tout cas qui nuit parfois au littoral. Oui, alors la digue, elle a plusieurs effets. Alors d'abord, il y a plusieurs digues hein, sur ces littoraux. Il va y avoir des digues face à la mer. Il y a aussi des digues le long des cours d'eau. Elles sont souvent accompagnées en plus d'un système de pompage pour les côtes basses. Le problème, c'est que ces digues, d'abord, elles peuvent casser. Il peut y avoir des ruptures de digues. Or, elles donnent une illusion de sécurité, c'est-à-dire qu'en fait, on a construit derrière les digues. Alors, le problème, c'est que quand la digue cède, on a une vague déferlante qui arrive. Et puis souvent, en fait, quand on va modifier le littoral ponctuellement, on va modifier la dynamique, ce dont Servane parlait tout à l'heure. Les littoraux sont des milieux extrêmement mobiles. Et donc, en fait, on va déplacer le problème et changer les apports sédimentaires. Ce qui fait que des constructions à un endroit peuvent avoir des conséquences sur d'autres parties du littoral, et accélérer ou au contraire ralentir d'autres processus. Et on le voit par exemple à la Nouvelle-Orléans, qui est vraiment un cas intéressant parce qu'elle est, cette ville est présentée comme l'archétype de la ville résiliente après la destruction. Elle a été inondée à plus de 80% en 2005. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les habitants de la Nouvelle-Orléans ont fait le choix de construire plus de digues, plus de pompes, plus de barrages. Alors c'est vrai que ils sont aujourd'hui théoriquement mieux protégés. Mais en réalité, quand on regarde sur du long terme, avec l'élévation du niveau de la mer, avec aussi le maintien des pompages liés au pétrole dans le Golfe, avec un ensemble d'éléments, en fait, on se rend compte que c'est pas durable. Et donc toute la question aussi aujourd'hui, c'est de se poser la question de la pérennité de l'occupation de ces littoraux. Et c'était la, c'est la question aussi que pose l'architecte. On peut travailler à 20 ans, à 50 ans, à un siècle, à deux siècles, ce ne seront pas les mêmes solutions et les mêmes coûts. Et on ne peut pas imaginer de figer ces milieux mouvants. On peut simplement se dire qu'à un moment donné, ils sont occupés de telle façon et qu'ils pourront être occupés d'une façon différente. Et que dans ce jeu-là, la technique, la digue, la pompe, le, est simplement une façon d'accompagner et d'atténuer les coûts de l'occupation de ces littoraux pour les populations. Alors, on parle de population humaine, on pourrait aussi penser à la biodiversité. Les littoraux sont des lieux de biodiversité souvent en danger. Anne-Sophie Tassa, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'enquête que vous avez menée aux Pays-Bas? Oui, alors, aux Pays-Bas, à une heure environ d'Amsterdam, au niveau du lac de Markermeer, c'est-à-dire on l'appelle plutôt le lac de Marken en France, ce qui s'est passé, c'est qu'une digue a été construite au niveau de la ville de Lelystad, et cette digue a complètement coupé le lac du lac d'Issel et du coup de la mer du Nord. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Magali et Servan en parlaient. Elles parlaient d'accumulation sédimentaire, de dépôts sédimentaires. Les sédiments, du coup, se sont retrouvés bloqués dans cette zone, dans ce lac d'eau douce. Et cette stagnation a entraîné de gros problèmes, notamment au niveau des végétaux. Privés de lumière, les végétaux ne pouvaient plus pousser. Donc, sans végétaux, on a tout un écosystème qui est bouleversé, les poissons, les oiseaux qui se nourrissent des poissons. Et la biodiversité s'est retrouvée complètement bouleversée. Voilà, donc il y a eu une grosse baisse d'oiseaux, du nombre d'oiseaux, beaucoup moins de poissons. Et du coup... Il a fallu trouver une solution, voilà, pour ce système qui était devenu totalement stagnant. Et cette solution, elle a été trouvée par une ONG qui a décidé de créer 5 îles artificielles. Donc c'est un projet pharaonique, mais c'est un projet qui est en train de se réaliser. Et la première île, l'île principale, qui est actuellement ouverte au public depuis septembre 2018, est sortie de l'eau. Donc, elle est bien présente. Avec des effets notablement positifs pour le retour de la biodiversité. Totalement. Alors, pour l'instant, ils ont observé plus de 120 espèces d'oiseaux présents sur ces îles. Il y a même des espèces, et ça... On sait généralement que c'est vraiment très bon signe. C'est devenu un lieu de ponte. Des oiseaux viennent pondre sur cette île principale. Et il y a aussi une hausse du niveau du nombre d'espèces végétales. Donc pour l'instant, c'est vraiment une réussite. Oui. On va revenir justement en deuxième partie sur les solutions envisagées dans le futur pour aménager les littoraux. Washing your face in the morning. Island life, gathering wood for the breakfast brew. Island life, watching the waves breaking on the shore, while corner and circle up high. This is our island life. Sea and sun, earth and sky. Play all day, sleep all night. This is our island life. Island life. Diving for pearls in the shallow sea. down, then explore some more when we rise. This is à 16h34, vous écoutiez Island Life du groupe Divine Comedy. Nous parlons aujourd'hui dans la méthode scientifique du futur des littoraux face à la montée du niveau de la mer avec nos invités Servane Guébène-Vénière, géographe et post-doctorante au LATS de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Antoine Aubinet, architecte et cofondateur de Bella Stockt, Magaline Regezza-Zit en duplex de Nice qui est géographe et maître de conférence à l'École Normale Supérieure, et à mes côtés également pour conduire cette émission Anne-Sophie Tassard de la rédaction de Sciences et Avenir. Et comme chaque mercredi, place à la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous prenons le large avec Xenia Filipenko, qui est doctorante en première année de thèse de géographie au BRGM et à l'Université Paris-1-Sorbonne Université. Votre thèse porte sur l'adaptation au changement climatique dans une communauté insulaire. Xenia, bonjour, c'est à vous. Bonjour, merci. Alors, l'adaptation au changement climatique, ça ne concerne pas seulement les grandes métropoles comme Marseille, New York, Singapour, la Nouvelle-Orléans ou Amsterdam. Mon terrain de thèse, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, outre-mer français, près du Canada, de la superficie du Val-de-Marne, mais avec une densité de population beaucoup moins importante puisqu'il n'y a que 6500 habitants. Les effets du changement climatique s'y font déjà ressentir surtout sur le littoral. Il y a d'une part l'élévation du niveau de la mer et d'autre part l'aggravation des risques littoraux déjà présents, la submersion et l'érosion. S'adapter est essentiel, et cela alors même que de nombreux paramètres restent incertains. L'adaptation concerne à la fois les populations, mais aussi les activités économiques, les infrastructures et les écosystèmes. Et à Saint-Pierre-Miquelon, on a des écosystèmes rares et préservés, les seuls écosystèmes subarctiques français. Certes, dans ce type de collectivité rurale, insulaire, les enjeux sont moins importants qu'à Singapour ou à Amsterdam, mais les moyens pour mettre en œuvre l'adaptation le sont également. Alors aujourd'hui, en France et dans beaucoup d'autres endroits du monde, l'adaptation est souvent mise en place à travers des stratégies. Ces stratégies sont élaborées à l'échelle nationale et sont ensuite appliquées à l'échelle locale. Or, on constate que cela provoque parfois une inadéquation entre ce qui est proposé et la réalité du territoire. Par exemple, surélever un bâtiment, c'est techniquement possible, mais dans telle ou telle situation, la nature du sol ou le manque de moyens financiers ne va pas le permettre. Alors, il y a beaucoup d'études en ce moment qui essayent de chercher à améliorer la mise en application effective de l'adaptation. Par exemple en Polynésie française, aux Maldives ou au Canada. Ma thèse s'inscrit dans ce contexte de recherche plus général. Mon objectif, c'est d'étudier la capacité d'adaptation des populations selon le contexte socioculturel, économique, politique de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je cherche à savoir en quoi l'étude des perceptions et des représentations peut aider ou pas à construire une adaptation différente du territoire. À travers des archives, des photos, de la presse ancienne, j'étudie d'abord les perceptions passées, les pratiques et les connaissances anciennes qui pourraient être réactualisées. Ensuite, à travers des entretiens individuels et collectifs de 10 à 20 personnes, j'essaie de déterminer les enjeux territoriaux, les atouts, les obstacles locaux, d'un point de vue environnemental bien sûr, mais aussi politique, humain, financier, institutionnel ou économique. Cela va aussi me permettre de saisir les discours, les attitudes qui sont dominantes face au phénomène du changement climatique. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on réfléchit l'adaptation sur l'archipel, à la fois de manière individuelle et collective, car on ne dit pas la même chose seul ou en groupe. Il peut y avoir une émulation du groupe ou au contraire, une pression collective. Je cherche également, à travers des questionnaires et des cartes mentales, à cerner les perceptions et les représentations actuelles du changement climatique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment est-ce que les populations le perçoivent ? Comment est-ce qu'elles envisagent l'avenir de l'archipel face à ce phénomène ? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas en termes d'adaptation ? Les cartes mentales, elles, me servent à comprendre ce qui est acceptable à tel endroit et pourquoi ça ne l'est pas à tel autre, à cause d'un usage ou d'un enjeu différent. Les informations récoltées à l'issue de ma thèse devraient me donner une vision de la capacité d'adaptation à Saint-Pierre-Miquelon, de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Mon but, c'est de parvenir à intégrer ces éléments dans un outil, une sorte de canevas de solutions d'adaptation souple, ajustée à la réalité locale avec plusieurs scénarios. On pourrait dire une forme de GPS de l'adaptation qui permettrait de renforcer la résilience, de réduire les inégalités face au changement climatique, d'intégrer une partie des incertitudes liées au changement climatique et de gérer les différentes échelles de temps. Merci beaucoup Xenia Filipenko. Alors une réaction éventuelle à ce travail de thèse Magali Regezza-Zit ? Tout est dit finalement. Tout est dit et c'est en même temps un travail extrêmement important parce que on a eu beaucoup tendance, et la thèse de Servane l'a aussi montré, à aborder finalement l'aménagement du littoral uniquement à partir de la dimension technique. qui est extrêmement importante, mais on a aussi besoin de comprendre comment les populations habitantes et les populations qui utilisent ces littoraux vont faire face à ce changement climatique. Et donc la thèse de Xenia et les nombreuses thèses aujourd'hui qui sont en train de se faire sur ce sujet sont absolument fondamentales pour justement sortir du catastrophisme et du côté alarmiste qui ne fait pas avancer, mais essayer de proposer des solutions qui respectent la justice environnementale et qui prennent en compte les individus et les communautés qui vivent sur ces littoraux. Antoine Aubinet. Non, mais ça me fait penser à une partie de notre structure, Bellastock, qui travaille justement sur l'implication habitante dans tout ce qui est construction, création, conception de nos villes et comment on les fait prendre part parfois au design et à la réflexion autour de projets que l'on mène. Et je trouve ça intéressant que oui, enfin j'aime bien l'idée qu'on puisse ramener un peu l'humain au centre de cette question, que ça soit plus des ingénieurs qui nous parlent de comment régler le problème de la montée des eaux, mais qu'on ait de la richesse qui puisse émaner aussi de ces populations qui vont avoir des idées ou peut-être des pistes de réflexion. Et c'est après à nous, en tant qu'architectes, de pouvoir s'imprégner de ces idées et puis de leur donner une forme et puis d'accompagner aussi le projet avec ces personnes. Oui, qu'on sorte d'un discours catastrophiste où on subit finalement une situation plus qu'on ne la construit et qu'on la change. Serban Guében, une réaction à ce travail de thèse? Oui, je partage tout à fait l'avis de Magali Regueza et peut-être que je voulais... Je rejoins aussi les propos qui viennent d'être dits et je pense qu'une des façons de ne pas tomber dans le catastrophisme, c'est vraiment aussi de travailler de façon interdisciplinaire et de ne pas... c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers, des architectes, des géographes, des géomorphologues, des ingénieurs et aussi la population évidemment qui ont des connaissances avec un cadre, un référentiel particulier. Mais c'est le croisement de toutes ces compétences qui peut transformer finalement ces risques-là dans une certaine mesure en opportunité de gestion à saisir. Ouais, quand on avait justement travaillé sur cette collecte de références sur le flottant, on avait vraiment des parties sur des parties comment les artistes s'emparent des sujets, comment les designers dans les écrivains, la poésie. On est allé voir un peu dans tous les champs possibles et imaginables pour prendre de la matière et pour pouvoir la retransmettre à ses étudiants en architecture et leur donner un panel d'idées pour qu'ils puissent aller piocher et puis voir cette dimension d'habiter l'eau de manière positive. Alors, habiter l'eau, certains ont pensé des solutions, Magali Regueza-Zitt, notamment des principes d'îles artificielles. Certains pays se sont risqués à ce genre de construction, mais surtout à des fins touristiques, et c'est souvent très limité, voire un peu des hérésies. On pense à Dubaï, on pense aux Maldives, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a pu constater comme résultat de ces expériences-là? Alors, on a d'abord des expériences qui n'ont absolument rien à voir avec le changement climatique, hein, oui. Qui sont vraiment à des fins touristiques. Il faut aussi comprendre que la conquête de la mer, c'est un signe de puissance technologique, de puissance économique. Alors, on a aujourd'hui, par contre, énormément de projets qui se développent, les villes sur l'eau, les villes sous l'eau, qui renvoient à une forme d'utopie, parce qu'évidemment, on est, alors en plus dans la figure de l'île, qui renvoie aussi au fait de repousser toujours plus loin les frontières, avec là encore cette utopie de se rendre absolument maître et possesseur de la nature. N'empêche que ce qui peut intéresser le scientifique là-dedans, c'est finalement la réflexion sur ce qui fait une ville, sur ce qui fait habiter la Terre. Et là, on touche à des questions éthiques, politiques et philosophiques. Et puis, on a aussi un formidable terrain de jeu, justement, pour les architectes, pour les urbanistes, pour tout ce qui est aussi... C'est un gisement d'innovation. Donc là, c'est un peu ce que disait Serban, c'est-à-dire, entre le discours catastrophiste, qui finalement ne mène à rien, l'injonction de l'urgence et l'impératif de l'urgence qui n'est pas efficace, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on n'avance pas beaucoup. Et puis derrière... des choses qui se passent, que ça soit des échelles très fines avec effectivement des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des populations, des mobilisations citoyennes, ou à des échelles plus institutionnelles. On voit ce que fait d'un côté l'ONU, on voit ce que fait la communauté européenne, on voit ce que font certains États. On se rend compte qu'en fait aujourd'hui on est dans une situation d'entre-deux qui peut conduire à des choses peut-être nouvelles, innovantes, intéressantes, mais qui est aussi un alibi pour l'immobilisme. Et donc toute la difficulté, c'est justement de prendre en considération la complexité de ces phénomènes, de ces processus, de sortir du discours incantatoire pour se demander qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné habiter ces littoraux? Qu'est-ce que ça veut dire à un moment donné faire ville? Aujourd'hui, on pense à aller sur Mars, on imagine coloniser Mars. L'autre frontière, il faut le rappeler, sur Terre, c'est l'océan. C'est l'océan qu'on connaît finalement très mal et depuis très peu de temps. Et donc, aujourd'hui, on n'habite pas les océans. On navigue sur les océans, on peut habiter de façon temporaire sur des bateaux. Qu'est-ce que ça voudrait dire demain habiter l'océan et qu'est-ce que ça voudra dire demain qu'habiter les rivages? La question, elle est ouverte et elle est d'abord politique. C'est d'abord un choix de société et l'urgence, parce qu'il y a effectivement sur certains littoraux urgence, ne répond pas à la question. Parce qu'en fait, il y a plusieurs options et que la question qui se pose, c'est comment est-ce que on va trancher de façon démocratique et juste entre ces différentes options? Antoine Aubinet, oui. Magali Regazzit évoquait à l'instant la figure et le rôle des architectes dans cette adaptation finalement à la montée des eaux et sur finalement repenser notre mode de vie sur les littoraux. Vous avez contribué à un festival qui s'appelle Waterworld avec votre association Bellastock. Alors je voudrais savoir un petit peu à quoi était dédié ce festival-là et comment finalement vous avez mobilisé de jeunes architectes pour penser ces habitations des littoraux à venir. On a un événement annuel où on convie des jeunes architectes à construire pendant le temps d'une semaine des lieux de vie et des constructions collectives. Et on avait mené donc ce projet en parallèle en Chine, à Wuhan, dans la province du Hubei, qui est aussi la région des Mille Lacs, donc qui est un lieu qui était très intéressant pour cette question de la relation entre l'architecture et l'eau. Et puis une équipe en Europe. On avait fait des collectes de références et d'idées qu'on avait rendu accessible pour les étudiants en architecture chinois et ceux français. Donc c'était 6 mois de travail, on avait organisé des conférences. Jacques Rougerie était le parrain de notre événement. On va l'entendre tout à l'heure. On avait donc collecté un maximum d'informations. Et comme je le disais auparavant, on avait essayé d'être le plus positif possible par rapport à cette question de la montée des eaux, d'en faire une opportunité de projet, et puis d'essayer de ramener dans les écoles d'archi, sur les bancs de l'école, ces nouvelles problématiques auxquelles, avec créativité et ingéniosité, on va pouvoir trouver des solutions. Et puis donc c'était à peu près 2000 étudiants chinois et européens qui avaient travaillé main dans la main sur ces questions de comment demain on va pouvoir inventer un type d'habitat qui répondrait à cette question de la montée des eaux. Alors à quoi ressemblait ce type d'habitat justement ? Alors on avait, nous notre particularité au Bellastock, c'est de prendre les ressources que l'on trouve sur les lieux. Ouais. Notre spécialité, c'est le réemploi et c'est ce qui depuis 12 ans anime notre structure. Et donc quand on était en France, on avait détourné des éléments industriels qui sont des flotteurs qui s'appellent Marine Flore. On les avait mis à disposition des participants avec du bois de charpente. Ils avaient construit des abris pendant 4 jours. On avait fait une ville amphibie puisqu'on n'avait pas pu laisser les 1000 participants dormir sur l'eau. Et puis en Chine, on est parti sur un autre élément, c'est la bonbonne d'eau qu'on trouve sur les fontaines d'eau, alliée à du bambou, donc une ossature très légère. Et on avait fait les flotteurs à partir de ces bouteilles, et c'était assez émouvant parce que à Wuhan, il y avait toute une population il y a bien longtemps qui vivait sur les mers, et de réinvestir ce milieu, c'était assez enrichissant. Ouais, ça avait interrogé ces jeunes architectes qui avaient complètement oublié qu'une partie de leur histoire s'était faite sur l'eau. Et donc on avait rencontré le spécialiste de l'architecture flottante en Chine, Zhang Liangao, qui avait 90 ans et qui nous avait dit commencez à y réfléchir, vous allez retourner sur les mers. Donc c'était assez marrant on avait bouclé avec cette idée, et puis c'est à peu près 200 projets qui ont été produits à cette époque-là, et c'était vraiment une manière de dire on va prendre la chose comme une opportunité de projet. Vous évoquiez la figure de Jacques Rougerie, qui fait un peu office de pionnier en matière d'architecture en lien avec l'eau. Alors je suis justement allé à sa rencontre pour parler de ses projets et de la façon qu'il a de repenser l'architecture en fonction de la montée des eaux. Mmh. C'est assez complexe parce que nous sommes partis déjà depuis une quarantaine d'années sur tout ce qu'a fait Léonard de Vinci. On est au 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci le 2 mai. Nous sommes partis sur l'observation de la nature, de ce biomimétisme, comment repenser l'architecture, l'aménagement, comment l'homme peut s'adapter à travers des structures à ces nouveaux cadres de vie. Voilà, donc ça nous a amené progressivement les technologies, l'informatique naissant et tout, ça nous a amené, avec d'autres d'ailleurs à travers le monde, à développer des structures aquatiques, sous-marines, des maisons sous-marines, aller imaginer des cités sur l'eau, et puis ces cités sur l'eau, par exemple on avait fait le concours pour l'extension de Monaco sur la mer, l'urbanisation en mer de Monaco, suivant les préceptes du développement durable bien sûr, et de faire très très attention aux problèmes environnementaux, les problèmes aussi de déchets, ainsi de suite. Donc toutes ces technologies, toutes ces réflexions que nous avons menées depuis tant d'années, on essaye maintenant de les adapter à cette problématique de la montée du niveau des océans pour ces réfugiés climatiques, savoir comment ces îliens vont pouvoir vivre sur leur lieu ancestral. C'est ce qu'il faut absolument arriver à faire. Au moment de la conception du bâtiment, quels sont les cahiers des charges, par exemple, quand on fait un bâtiment qui sera exposé comme ça à l'océan, à la mer? Le cahier des charges va dépendre du lieu, des problèmes qu'on rencontrera par rapport à cette dynamique marine. Est-ce que c'est une zone où il risque d'y avoir des tsunamis? Par exemple, si on est dans des zones comme au Japon, c'est quand même extrêmement complexe. Est-ce qu'on est dans des zones protégées, pas protégées, à l'intérieur d'un lagon? Par exemple, nous, en Polynésie française, on a envisagé, enfin, on a dessiné un village, enfin, une succession de villages, donc quasiment une ville, sur l'eau, flottant, dans un lagon à Mopia. C'est très différent que si vous vous exposez à la houle, à l'extérieur d'un lagon. À Monaco, c'était une autre problématique. On avait fait de grandes digues qui absorbaient l'énergie de la mer. Voilà, à chaque fois, c'est des réponses dans le cahier des charges très, très différentes suivant les zones géographiques et suivant les zones économiques et sociétales où se trouve le projet à réaliser. Est-ce que vous pourriez me montrer éventuellement une maison que vous avez conçue pour ces structures sous-marines? Oui, alors, la première maison sous-marine dont je rêvais, que j'ai imaginé et que j'ai donc réalisé, c'est Galatée. Donc on a construit en 1977 et maintenant qui est au Japon. Voilà Galatée, donc mes premiers dessins, vous voyez, le rêve incarné. Donc voilà Galatée pour quatre plongeurs, mais rien. Galatée ressemble à une sorte de ludion, vous voyez, une sorte de, ou un ballon, vous voyez, qui serait une montgolfière, donc avec une structure, un squelette de coque en acier, avec deux grands yeux aux extrémités, vous voyez, deux grands dômes de 2,20 m de diamètre en polycarbonate, qui donne cette vision, ce balcon ouvert sous la mer. Donc on la positionne entre deux eaux, voilà, on la descend, il y a un lest qui vient se reposer au fond de la mer, elle se tracte à partir de ce lest, et comme un ballon, vous retenez un ballon, et donc du coup elle n'a pas d'impact par rapport au milieu. Ça c'était la grande différence de cette maison sous-marine par rapport aux maisons sous-marines qui existaient, Tectail, Hydrolab ou Précontinent. Et deuxièmement, dans son mode de vie intérieur, vous voyez tout l'aménagement intérieur, on voit le sas d'arrivée, toute la partie arrivée, après le quartier de vie, vous voyez, donc en ergonomie par rapport à ce mode de vie. Ça, c'est différents projets, vous voyez. Là, on voit des images d'autres projets, alors cette fois émergés, des projets à la surface. Voilà, des projets à surface, c'est l'opéra de la mer pour Monaco qu'on avait imaginé, vous voyez. Donc là, c'est le musée d'archéologie d'Alexandrie sous l'eau, au pied du palais de Cléopâtre, un concours que nous avons gagné. Là, j'avais imaginé un village carrément d'ailleurs aux îles Vierges avec la NASA, avec les astronautes. Quel type de matériaux on utilise pour ce genre de structure et de construction? À l'heure actuelle, on a toutes les technologies qu'il faut pour aller dans le monde plus profond du monde sous-marin. Donc les fibres de carbone ou même à travers l'acier, le titane et d'autres matériaux. La problématique n'est pas là. La problématique, elle est beaucoup plus dans l'humain, l'adaptation de l'homme dans des environnements hostiles, comment progressivement il peut s'adapter sur des longues durées, pas des définitivement, mais sur des longues durées. Donc comment le préparer à ça, en équipage évidemment, pas en solitaire. Voilà, mais les technologies accompagnent, je parle du monde sous-marin, accompagnent très très bien. C'est pas vraiment le problème à l'heure actuelle. Voilà pour cette rencontre avec Jacques Rougerie, qui fait office de pionnier dans l'architecture marine et sous-marine. Alors, une réaction à ce reportage, Antoine Aubinet? Non, c'est toujours un plaisir d'entendre Jacques parler de ses projets. C'était agréable de voir, quand on a travaillé avec lui, qu'il a eu très tôt cette vision de l'homme qui retournait sur les mers. Et puis, il nous a beaucoup nourris et donné de pistes de réflexion. Donc, oui, c'est heureusement qu'il y a des architectes qui sortent un petit peu du lot et qui voient un petit peu plus loin que quelques créations et qui diffusent leur savoir comme ça, qui sont généreux. Servane Guémen, une réaction à cette voix de Jacques Rougerie qu'on entendait à l'instant? Oui, c'est toujours très, très intéressant et aussi de voir que, par exemple, dans les concours d'idées qu'il peut lancer, il y a cette rubrique architecture et élévation du niveau marin. Donc, c'est pas seulement la question sous-marine, mais aussi les choses évoluent. Et moi, je me demandais je me posais la question de la façon dont on construit de façon évolutive, parce que ces adaptations au changement climatique, cette élévation du niveau marin, elle se fait pas en une fois. Les plus 1 mètre à l'horizon 2100, voire au-delà, ça se fait par palier, en fait. Donc c'est extrêmement important de se projeter. Et en même temps, pour que les populations puissent s'approprier aussi ce phénomène, cette évolution, je me demandais comment vous travaillez avec les populations. C'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure par rapport à notre discussion. C'était, on parlait de comment on créait des digues, comment on faisait des interventions assez lourdes, et finalement je me dis que c'est plus peut-être plus intéressant de s'interroger à une architecture qui serait mobile, qui permettrait de s'adapter. Est-ce que c'est une architecture qui se démonte? Est-ce que c'en est une qui flotte? Enfin, en gros, il faudrait qu'on ait des types de constructions, qu'on invente des types de constructions qui s'adaptent à chaque type de littoraux, qui se fassent aussi avec les ressources locales, mais qui ait une capacité à bouger en fonction du paysage qui est mouvant. Voilà. Magali Reguezazit, on l'entend, on le comprend finalement, l'utopie, elle est pour demain. Alors je vous laisse le mot de la fin, puisque l'émission va bientôt toucher à sa fin, mais qu'est-ce que vous avez entendu dans ce reportage-là et qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, je suis très intéressée par l'idée d'accompagner l'adaptation. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle adaptation pour le plus grand nombre? Est-ce que ces utopies, elles sont valables pour quelques happy few? Ou est-ce qu'on pourra demain s'occuper de ces millions de personnes qui vivent aujourd'hui déjà dans des conditions extrêmement précaires? C'est finalement l'enjeu des siècles à venir. Et c'est très prometteur et en même temps, ça fait un peu peur. Mais précisément, le fait d'impliquer les populations, de leur permettre de s'approprier et de construire avec les architectes, les ingénieurs, les urbanistes, les géographes, enfin tout le monde, ça peut donner quelque chose finalement de très rassurant pour l'humanité. Merci beaucoup à vous, Servane Guébène-Venière, Magali Reguezazit, Antoine Aubinet, Xenia Filipenko, d'être venus nous sensibiliser à cette question cruciale de l'évolution des littoraux. Merci Anne-Sophie Tassard de nous avoir accompagnés au long de cette heure. Le numéro de Science et Avenir est nouveau, venu dans les kiosques, il sortira demain. On peut lire votre article peut-être sur Internet, sur ce projet aux Pays-Bas. Merci à vous et à une prochaine fois pour parler de ce sujet qui est interminable. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Vétienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Éléonore Pérez, Céline Lozen, Tom Humdenstock, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Anthony Thomasson. Merci également aux équipes de France Bleu Azur d'avoir rendu possible le duplex avec Nice. Demain jeudi, on descendra dans les grottes préhistoriques pour parler des enjeux liés à la compréhension et à la conservation des œuvres d'art pariétales.